Chapitre 5e. Nadia tint sa promesse, et Paul ignora la scène qui s'était passée entre les deux femmes. Eût-elle aussi bien gardé le secret, le seul qu'elle eût de longtemps pour lui? Si de nouveaux contacts étaient venus mettre à l'épreuve cette jalousie peu ordinaire, c'est douteux. Mais pendant 2 ans, un deuil rigoureux retint la comtesse à l'après, entre sa fille et ses beaux-parents accablés par la perte d'un fils unique, le dernier de sa race. On aurait même pu croire que Madame Fresnel avait juré par la même occasion de ne plus prononcer le nom de sa cousine, et Chérency jugea dans sa sagesse que ce silence était la rancune ou la précaution d'une âme jalouse. Peut-être avait-il raison jusqu'à un certain point, mais en réalité, Nadia ne pouvait penser à la comtesse de Chalonne, blanche et pure sous ses voiles de veuve, sans éprouver une sorte de honte. Les paroles sévères, prononcées par Claire un certain soir, revenaient à son oreille dans les moments les plus heureux de sa vie. Sa première impétuosité calmée, elle ne s'était point pardonnée d'avoir été si franche. Peu de mois après la mort de M. de Chalonne, elle écrivait à la jeune veuve qui la félicitait d'être heureuse par comparaison avec sa propre tristesse. « Heureuse, dis-tu? Hélas, il y a des tombes si bien couvertes de fleurs, tu le sais, pauvre ami. » Qu'on passe auprès sans se douter de ce que cache le funèbre parterre. Illusion vaine, qu'une bise froide vienne à souffler par une matinée d'hiver, et sous la dépouille des pétales tombés, le monticule révèle sa forme lugubre. Si tu savais comme ce vent glacé passe souvent sur mon cœur, comme je m'aperçois souvent de ce qui est mort à jamais dans ma vie, l'estime de moi-même. Cette vie, assurément, ne manquait pas de fleurs. Grâce au dévouement tendre de Chérency, dont le seul défaut était une faiblesse trop grande pour la femme aimée. Il la traitait en être délicat, en enfant malade, la gâtant davantage au moment des crises, chose dangereuse. On voit des enfants gâtés faire les malades pour avoir du sucre. Quant à lui, je pense qu'il était, à part ses alternatives, aussi heureux qu'un homme peut l'être. Il avait sur son ami l'avantage précieux d'une vie occupée. Les heures qui n'appartenaient point à celle-ci appartenaient à l'art. Il était en progrès, sa réputation devenait sérieuse, et ses toiles, toujours vendues, ajoutaient au nécessaire de sa fortune la pointe agréable du superflu. Tant que Madame Fresnel était la bonne Nadia, comme elle se qualifiait elle-même, Paul connaissait l'idéal du bonheur qu'il est permis d'attendre d'une femme, douce, dévouée, intelligente, heureuse de sacrifier toutes les joies de la vie à la joie d'aimer, tour à tour souriante et passionnée, elle accomplissait ce prodige d'être plusieurs en une seule qui engendre la constance. À certains jours, subitement, le vent tournait. On voyait alors surgir la mauvaise Nadia, soupçonneuse, jalouse, désillusionnée, doutant de tout, mécontente de son sort, cherchant le changement et les émotions, désirant tout ce qu'elle n'avait pas. Quand Chérency l'entendait vanter les joies de la famille ou parler avec enthousiasme de la solitude verdoyante des bois, des majestés de l'océan, des horizons neigeux des montagnes, il savait ce qui l'attendait. « Hélas, s'écriait-il découragé, je ressemble à ces jardiniers qui soignent au pied de Vésuve les plus belles fleurs du monde. Au moment où les parfums sont les plus enivrants, la brise la plus douce, un bruit sourd leur fait craindre la pluie de cendres pour le lendemain. » Alors, sombre, vieillie, repliée sur elle-même, Nadia lui répondait « Eh bien, jardinier malheureux, cherchez un climat plus égal, abandonnez ce sol maudit. » C'est dans ces heures de révolte que Nadia éprouvait le besoin de faire les choses défendues par Paul, d'appeler auprès d'elle son amie Madame Lavissière, qui lui tournait la tête par ses cancans ineptes et malsains, ou bien de faire une fugue dans le salon de la générale Sautéron, pour se distraire et voir du monde. La générale, comme on l'appelait dans la coterie dont elle formait le centre, était l'une des rares femmes non séparées que l'on rencontra dans son confortable entresol de la rue de Monceau. En revanche, elle était veuve, mais elle était arrivée au crêpe sans passer par la salle des pas perdus, avantage dont elle se targuait volontiers auprès de ses amies moins heureuses. Il était temps d'ailleurs, avouait-elle avec la franchise militaire qu'elle avait héritée du défunt. La veille du jour où Philibert eut son attaque, la seule de sa vie qu'il n'ait pas repoussée, j'avais eu, moi, une première conférence chez mon avoué. 3 mois de plus et j'entrais dans la confrérie. Hélas, le pauvre ami ne m'en a pas laissé le temps. Le pauvre ami, s'il faut en croire les mauvaises langues, avait eu le temps, par contre, d'entrer dans une autre confrérie dont le brevet s'obtient à moins de frais. D'après la légende, l'apoplexie venue si fort à propos avait été causée par l'émotion d'une découverte fâcheuse. Mais comme la chose datait des plus beaux temps du Second Empire, la légende s'embrouillait déjà dans l'incertitude vague des époques préhistoriques. Un fait était constant, le flagrant délit. Les contemporains eux-mêmes ne se souvenaient plus très bien si Philibert était mort du chagrin d'avoir surpris ou de la honte de s'être laissé surprendre. Peut-être y mettait-il quelque bonne volonté. La belle Nathalie d'autrefois était restée une si bonne femme. Quand on posait la question à Lucien Sireuil, un vieil ami des deux époux, il répondait avec son sourire de sphinx. « Mon Dieu, je me souviens parfaitement que je devais plaider au procès, et j'ai même beaucoup regretté cette cause qui m'aurait lancé. Car je débutais alors. Mais du diable si je saurais dire lequel des conjoints je devais assister, et de quel côté de la barre nous devions paraître à l'audience. D'ailleurs, à quoi bon se souvenir? La mort efface tout. » Quoi qu'il en soit, la générale pouvait se flatter d'être une des moins compromises parmi les femmes qui s'asseyaient à peu près chaque soir dans ses fauteuils. Depuis son veuvage, pareil à ses chevaux qui s'arrêtent court une fois le cavalier par terre, on ne l'avait jamais vue s'emballer. Elle croyait, de la meilleure foi du monde, avoir toujours adoré son mari, à l'exclusion de tout autre. « Un excellent homme, disait-elle, un peu coureur, comme tous les militaires, mais je lui pardonne, pauvre ami. » À 60 ans passés, la générale se trouvait dans le plus triste isolement, grâce à la mort de tous les siens, et à la négligence de feu Sautéron qu'il avait laissé sans progéniture. Et justement, le malheur voulait que la bonne femme fût absolument incapable de rester seule plus de 5 minutes. « J'aimerais mieux, disait-elle, demander le commissionnaire du coin pour faire mon bésigue. » Plutôt ciel que la pauvre vieille se fût contentée de ce partenaire à crochet. Elle aurait eu moins de monde au sien. Comme elle était riche, foncièrement bonne, et par-dessus tout remarquablement installée, son appartement de la rue de Monceau était devenu peu à peu une sorte de cercle cosmopolite, à cela près qu'on n'y payait ni cotisation, ni cagnotte, qu'on y consommait gratuitement, et que les dames y étaient admises. On y trouvait des gens de tous les pays, même des Français, des femmes de toutes les sortes, même, parfois, d'absolument honnêtes. Le fameux Chevreul montre à ses visiteurs, aux gobelins, une gamme d'échantillons de laine commençant à la neige pour finir à la suie, par une dégradation imperceptible et savante. La générale avait sa gamme, elle aussi, moins complète, à coup sûr, que celle des gobelins, car elle n'allait pas jusqu'aux nuances extrêmes. Toutefois, de temps à autre, on y découvrait des écheveaux un peu sombres, grâce à la complicité d'introducteurs trop coulants. La maîtresse de maison, assez sourde et encore plus distraite, n'entendait pas bien certains noms. D'autres, qui auraient fait éternuer un pharaon de granit par leur consonance bizarre, lui étaient totalement inconnus. L'identité mieux établie, c'était des désespoirs, des plaintes amères confiées au cercle intime, avec de grosses résolutions de changer tout cela. Pauvre Nathalie, empêcher les autres d'entrer dans son salon. Si seulement elle avait eu la permission d'en sortir à sa fantaisie ou même d'y rester seule. Car elle en arrivait à soupirer après une heure de solitude. Plus d'une fois, partant pour le théâtre, elle s'était heurtée sur l'escalier à une bande joyeuse venant festoyer chez elle. Bon gré mal gré, il fallait rebrousser chemin, faire allumer les lampes, installer les tables de jeu, beurrer les sandwiches. Plus souvent, lorsque délivrée d'une première bande de garnissaires, la générale se préparait à dormir. Une escouade de troupes fraîches, sortant de l'opéra, l'envahissait et la tenait debout jusqu'à 5 heures du matin. D'abord, elle prenait bien la chose, puis, le lendemain, réveillée avec la migraine, elle éclatait, jurait qu'elle allait fermer sa porte et la fermait en effet. Révolte peu durable. Le second jour, lasse de causer avec sa perruche et sa femme de chambre, elle faisait atteler sur les 10 heures du soir et courait après le reste de sa ménagerie. En somme, le salon de Nathalie était un lieu amusant, à condition de n'avoir pas de prétention à quelque spécialité grave. On n'y parlait ni politique, ni art, ni littérature, ni finance. Dans cette coterie curieuse, bien des gens vont croire que les mauvaises langues avaient beau jeu. Tout au contraire. Chacun n'y ouvre en guerre la bouche que pour parler de soi. Vous pouviez être à peu près certain de n'entendre dire de mal de personne. Cependant, on y tolérait les gens d'esprit, mais à condition qu'ils prissent soin de ne pas rogner la part des autres. Au plus beau temps des conteurs du beau temps de la Restauration, on eût préféré un imbécile sachant écouter et se taire. Heureusement pour eux que les causeurs de profession sont tous morts. Ils se verraient aujourd'hui consignés à la porte de bien d'autres salons que celui de la Générale. Invariablement, Madame Fresnel s'y amusait la première demi-heure. Puis elle s'y sentait déplacée, n'ayant rien à raconter sur elle-même et ne comprenant rien aux histoires débitées sous ses yeux avec des quarts de phrases et des moitiés de mots intelligibles seulement pour les habitués. Au fond, ces apparitions irrégulières et peu fréquentes jetaient un froid. Cette jeune femme discrète, calme, bien élevée, aux allures de jolie chatte silencieuse, tranchait trop sur les autres. Elle inquiétait. Involontairement, tout le monde rectifiait sa pose. On parlait moins fort. Pendant 5 minutes, on pouvait se croire dans la société la plus sévère. Les vieilles joueuses de Bézigue lui reprochaient son horreur des cartes, hautement affirmée. La génération plus jeune la trouvait trop bégueule et boutonnée. Les hommes, généralement, étaient de son parti, mais sans enthousiasme. Plusieurs avaient demandé la permission d'aller la voir chez elle. Mais après 3 visites, on ne les apercevait plus boulevard Saint-Germain. « Assez insignifiante, vous savez, » disait avec une grimace les plus bénins. Ceux qu'il avait fallu mettre doucement à la porte, comme trop pressés d'aboutir, ajoutaient « Ça sent le mystère chez elle. Cette petite femme a quelqu'un, soyez-en sûrs. D'ailleurs, on l'a dit sans fortune. »